médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, J'entends Rien, mag d'actu tout terrain, en direct le mercredi à midi, rediff à 19h et le jeudi matin à 8h. Aujourd'hui, au programme, eh bien, un sommaire multiple. On va parler de punk, on va parler de musique variée, il y aura des cadeaux. On va sans doute parler aussi des relations diplomatiques africaines. Bref, c'est parti, on commence tout de suite par le coup de cœur de la semaine. C'est d'ailleurs aussi le coup de cœur de notre réseau Ferrarock. Il s'agit du groupe Projet Fiesta en El Vacio qui sort son album Rosal en septembre 2023. Sur le label Teenage Menopause Records, j'ai eu le plaisir d'interviewer Luna, que vous retrouverez cette interview dans l'émission de la Ferrarock Dig Dig Diggers qui s'est diffusée sur Duo à vendredi à midi, 19h, et le lundi matin, cette fois à 8h. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de ce très bel album qui mélange cold wave, électro ambiante et influence d'Amérique latine et d'Espagne. Je vous propose le dernier titre de ce vinyle. Il s'intitule Le Pont. Fiesta en El Vacio, tout de suite, Radio Duo 89.5. Bienvenue sur Radio Thieu. Et nous sommes à présent avec le groupe Surface Tangible sur le 89.5 de Radio Audio. Cathy, Johan, Martin et Gilles, bonjour à vous. Salut. Bonjour, alors, je suis bien content de vous recevoir dans les studios de Radio Audio et on va commencer tout simplement peut-être par dire qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites pour les auditoristes qui ne vous connaîtraient pas. Merci à toi, c'est gentil pour l'invite, ça fait plaisir. Du coup, on est Surface Tangible, on est un groupe de punk hardcore noise, on va dire comme ça, ça sera mieux. Du coup, on est vraiment basé sur synthé, enfin du coup, plus trop maintenant, celui Johan... J'ai quitté Saint-Étienne pour Lyon. Traître. Aïe. Et du coup, on tourne depuis. Le groupe a débuté il y a un an à peu près. Et on a pas mal tourné en début de l'année dernière. Là, on doit être à notre 25e date, un truc comme ça à peu près. Et voilà. Du coup, vous avez pas traîné quand même. Ouais. Non, ça s'est fait assez vite. Ouais. Premier concert. Au Raymond Bar, c'était quand? C'était le 28 janvier, si je me rappelle. 28 janvier, on a commencé à répéter en novembre, ouais, novembre. Décembre. Mmh. On a eu beaucoup de chance. Ouais, on a dû direct le plan pour jouer avec Trolls et Tizzy Fun, et c'était un super concert. Du coup, on a eu les plans pour jouer après à Bordeaux et à Toulouse, et ça a continué après, par la suite. Alors, quand on est un jeune groupe comme ça, justement, quels enjeux, quelles difficultés vous avez rencontrés, justement, pour commencer? Je pense au matériel, au lieu de répétition, au réseau, au contact, un petit peu. Alors, le matériel, la question matos, la titine, la voiture. Ouais. En fait, avec le temps, on a commencé à. Enfin, au début, on n'avait rien, on n'avait ni tête d'ampli, ni rien. Maintenant, on a un peu upgrade en niveau matériel, mais on peut pas le déplacer. du coup, c'est la principale difficulté en vrai. Ouais. On tourne en Clio ou en Sandero ou en la voiture des darons. Enfin, la Laguna, bien ouais, sûr. La Laguna. Mais sinon. Parce que les auditeuristes ne vous voient pas, mais vous n'avez pas 40 ans. Non. Enfin, Cathy presque. C'était un secret. Non, on a 22 ans. On a 22. Et Cathy, 33. Ah ouais, merci, ça balance. Ouais. Non, super. On en parle après. On en parle. Vas-y, continue. Ouais, du coup, niveau difficulté après, il n'a pas de temps eu, on s'est vite fait au concert, et puis après, ça déroule quoi. Puis la salle de répète, on l'a eu assez vite. De par des potes qui nous ont fait passer le plan. Et mis à part le matos et transporter le matos, on n'a pas eu tant de difficultés en fait. Bah, du coup, c'est plus de la précarité un petit peu de jeunesse finalement que vous avez rencontré. Carrément. Enfin, ouais. Pas seulement de jeunesse. Ouais, mais... bah, tu es un jeune encore. Tu es jeune. Je n'ai pas dit mon âge, moi. Allez, pour que les auditeuristes captent un petit peu dans quel univers on va rentrer, je vous propose tout de suite d'écouter un extrait d'un 8 titres dont on va parler juste après ça. Yourself and take me out. Someone knows. Surface Tangible sur le 895 de Radio Dio. Alors, quel était le titre de ce morceau? Alors, le morceau s'appelle Arrête ou Arrêt. Il y a des sons. c'est un morceau qui parle de choses assez difficiles. Sans rentrer trop dans les détails, disons que ça parle de choses qu'on regrette ou qu'on aurait aimé ne pas faire alors qu'on nous disait que c'était super de faire ça. Et je pense notamment à des choses dans l'intime, que ce soit avec soi ou même ou avec l'autre, hein, ce qui semble. Voilà, c'est un peu une chanson où, d'une certaine manière, c'est quand on voit avec du recul peut-être des choses passées, qu'on les regrette, et qu'on aimerait qu'il y ait eu, au moment où on les a faites, ces choses-là, une voix qui vienne nous voir et dise ce que je dis. Un peu dans le morceau, c'est « Take me out »,« Stop me now ». Et voilà, c'était une manière, avec ce truc qui monte, puis après ça lâche. Et cette fin un peu, voilà, qui vient un peu à bout de souffle à la fin. Tac, tac, tac, tac, tac. Et souvent, c'est un morceau dans le set qui permet un peu d'amener plus du hardcore. Voilà, qui est un des éléments. Voilà, là on a les deux éléments de notre groupe, j'ai envie de dire, à la fois des choses plus punk, hein, et après ça part sur des trucs très un peu bassons, on va dire. Quatre têtes de bruit sur la mauvaise pente. C'est comme ça que ouais, tu as l'air de parler un petit peu, justement, d'essayer de pas trop prendre la mauvaise pente. Elle vient d'où, cette petite phrase que vous avez un peu mis en avant? Elle est marrante. 4 têtes de bruit, je sais plus, mais de base, on cherchait des noms de groupe. Il y en a eu plein et on voulait s'appeler. Ambiance Top Départ. Ambiance Top Départ, et puis on a vite, ça a vite dégagé. Puis il y a eu une mauvaise pente dans le lot, proposée par ma coloc. Et puis au final, on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure idée. Du coup, on a pris Surface Tangible. pour la phrase, je sais plus moi. Bah écoute, fallait trouver une description et puis ouais, merde, quoi. C'est un peu dans l'urgence avant notre premier concert. Ouais, au Raymond Barf. On a fait beaucoup de choses dans l'urgence. Ouais. Parce que... Ça va bien avec le punk, non? Ouais, ouais. Complètement. Tout à fait. C'est pour ça que vous avez oublié le E de Surface Tangible. Oula, attention. Eh non, c'est parce que Surface, ça fait 5 lettres. Tangible, ça faisait 6 lettres. Donc, je l'ai enlevé le E. Ouais. Et en fait, c'est pour ça, quand j'ai dit le morceau s'appelle Arrête ou Arrêt. Parce qu'en fait, il n'y a pas le E. C'est un peu ce truc-là... Qui est un peu une... Comment tu sais, dans les BD, ça va être... dans les BD ou dans des choses, quand des gens qui parlent, tu vas mettre des apostrophes. Et... Tu veux dire, c'est une écriture de l'oral, un peu? Exactement, ouais. C'est une écriture de l'oral, c'est exactement ça. Et on m'avait fait la remarque de pourquoi... on s'était fait la remarque de... Ça aurait pu être un point médian, mais je trouvais que justement ce truc-là, voilà, c'est exactement ça, c'est ce truc de l'oralité, de la surface tangible. Parce qu'une fois, on me demandait, juste après le concert, on venait de finir, on me dit « Ouais, c'est quoi ce nom ?» J'étais là, c'est... tu vois, il y a ce mur de son, c'est une surface qui est tangible et qui fait que t'as bougé ton corps avec nous et qu'il s'est passé ce truc très très corporel, très de la chair, quoi, du punk. Et sinon, pour compléter, pour créditer nos camarades, c'est en effet une coloc de Gilles qui avait plein de Leïla qu'on salue, qui avait plein de noms, toute une liste de noms et dont Surface Tangible, et que moi j'ai totalement tiqué là-dessus parce que c'est un truc qui me parle. Et ensuite, on a pris une liste. Dans la liste, on a pris des mots, des noms, tête de bruit, mauvaise pente. Et j'ai fait, vas-y, on fait un truc. On fait un cadavre exquis, quoi. Ouais. Alors justement, surface, soyons tangibles, puisque moi je me suis demandé quand même, il y a eu un temps à Saint-Étienne, peut-être pas dans toutes les villes, où on avait l'impression que le punk était une maladie de vieux, un peu comme le cancer, et que finalement, eh ben, y a des groupes de la vingtaine, je pense à Honte de Choc, à 10 Minutes, à vous, qui reprennent un peu un flambeau. Comment on arrive à faire du punk dans cette vingtaine en 2020? C'est quelque chose. Ça commence par aller dans les concerts, je pense. C'est ça. Surtout à la Gueule Noire, en fait, à Saint-Étienne. Moi qui ai grandi à Lyon, où il y a plein de lieux où il y a des concerts de punk, bah, j'ai évolué dans ces milieux-là. Et assez jeune, hein, fin lycée, on va dire. Et depuis, je squatte tout le temps. Et ça nous influence pas mal, en fait. Et puis, dans les grandes villes, on se rend compte qu'il y a un public qui est quand même beaucoup plus jeune. Et qui donc a envie de faire aussi de la musique et ça crée des choses super parce que du coup c'est une énergie qui est nouvelle et avec des influences autant vieilles que nouvelles et voilà, ça, du coup ça crée plein de choses cool. Ouais, et puis c'est plus tant une maladie de vieux. On s'est jamais dit on va faire du punk parce qu'on est jeune, enfin c'était juste bon, on faisait... il y avait les compos de Johan depuis 3 ans qui traînaient dans son ordi et du coup fallait les faire quoi, enfin, on a toujours eu envie de faire de la musique du coup c'est parti comme ça et puis... Mais au lycée par exemple ça veut dire vous étiez un petit peu les montons noirs du lycée parce que maintenant moi j'ai été au collège effectivement il y avait plein de gens qui écoutaient du rock, maintenant le hip hop a quand même conquis la surface du monde et Ouais bah c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au lycée qui écoutait du rock, du punk, du metal et ouais, j'étais avec une petite team, on va dire, et voilà, mais même, je suis aussi passé par le rap à fond au lycée. Ouais. C'est ouais, sûr et que puis. Ouais, je sais pas trop comment on est venu, en fait, à écouter du punk après. Et puis, on vient pas tous du punk non plus. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, en fait, ouais. Ouais. Enfin, surtout moi, Yohan, ouais, qui écoutait du punk hardcore. Puis Cathy, du coup, qui est vachement plus dans. Qui a une carrière, on va dire, de metalcore, et Martin, du coup, qui était. Un jazzman de formation. Guitariste jazz. Ok. Le guitariste du jazz de un jazzman en devenir qui. Bah d'ailleurs, il n'y a que lui, du coup. Et en même temps, c'est là aussi où moi j'ai retrouvé justement des influences un peu plus cassées, un peu plus déstabilisantes, un peu plus noisy, free, qui m'ont touché dans votre musique. Qu'est-ce que vous avez écouté et que vous avez partagé pour arriver à cette espèce de mélange un peu branlant? Super question, attends, on va te dire. Cathy, ferme les oreilles. Non, ouais... Psychotic Punks, parce que... Bah, à fond, c'est la référence de truc. On a tous ensemble. Après, on fait pas vraiment pareil, mais qui nous ressemble plus, il y a, bah, a USNA's. USNA's, super groupe de punk noise de Londres, je crois. Cherubes aussi. Il y a Pigeon, un groupe de cold wave noisy punk. De Berlin, ça tue. De Berlin, il y a quoi d'autre qu'on a écouté ensemble Ah non, on n'écoute pas des choses non, ensemble. Non, pas ensemble, surtout mais... du punk noise, en fait, qu'on a écouté. Et un peu de punk hardcore, bah, y a Gel aussi, qu'on a beaucoup écouté. Oui, beaucoup Gel, oui. Voilà. Du coup, des références assez contemporaines. Ah ouais, oui, carrément. Ouais, carrément. Même pas hyper connu, enfin, ça dépend des groupes, mais un peu de niche. Ouais. Je sais pas. Genre, par exemple, opposé à ce que vient d'être donné, genre moi ça va être Magdalena Bay ou Paramore, donc vraiment de la pop et donc ce truc je pense aussi ça truc noisy mais à la fois c'est des chansons, je viens derrière, je fais quand même et je pense aussi ça crée ce truc là. Toi t'as réussi à mettre ton passif jazz un petit peu dans la musique ou t'as été obligé de l'effacer beaucoup? Pas vraiment, mais après j'avais pas vraiment la volonté de le garder, hein. Honnêtement je me suis un peu, au début j'étais un peu en fonction parce qu'on m'a proposé de faire partie du groupe, enfin c'est parce qu'il manquait un guitariste en fait, puis moi j'étais là, bah let's go, et du coup bah j'ai appris les codes un peu, plutôt, et j'avais pas trop d'intérêt, j'avais pas particulièrement envie de ça en fait, après je pense qu'il y a peut-être des choses qui se ressentent, ça m'a surtout donné une technique guitaristique qui est pas trop dégueulasse, et puis... Ça permet qu'on ait des bases théoriques un peu qui sont là, et puis ça permet de mettre des choses un peu rapidement en place, de composer vite, de se comprendre. Ouais, et au final, ça donne des morceaux assez chiadés, même dans... Enfin, c'est toujours... Ouais. Enfin, c'est pas non plus des morceaux cérébraux où on va réfléchir de ouf, mais c'est quand même assez... c'est pas que tout le temps du power chord, quoi. Ouais, ouais, on... Ouais. C'est du 4-2 en 3-4, non? Non, même pas en plus. La blague de Zikos. Ouais. Ah, mais si les trois ont fait musico, c'est ça. Alors. Okay. Du coup, ça fait de la théorie en répète. Et moi, je suis là, ouais, super. C'est où le refrain? Alors, du coup, on fête presque quasi votre premier anniversaire, un petit peu, là, on n'en est pas très loin. Ouais. Et ouais. En un an, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler aussi des rencontres que vous avez faites dans la région ou un peu plus loin et d'un réseau punk que vous avez rencontré au fur et à mesure des concerts? Bah écoute, bah comme on te l'a dit tout à l'heure, ça a commencé avec les potes de Trolls qu'on fait avec Sisyphone, des Sisyphone qui nous ont bien aidés. Fait, c'est des groupes qui nous ont permis de faire pas mal de dates cumulées. Du coup après, on a rencontré vachement de gens super chouettes. Dans la région. J'ai vu que vous avez joué aussi à Grenoble, à Paris. Ouais. Ah bah là, à Grenoble, ça va être c'est Ariane qui était dans Mascarade. Et qui est maintenant qui joue dans Basseville, qui nous a fait jouer, qui nous avait vu quand on avait joué au lieu collectif l'Aveyron dans la Drôme avec Casa Fantôme. Et sinon, oui, à Lyon, on a joué à GZ et notamment avec Los. Grand Zéro, ouais. Ouais. Los, super groupe de black metal. C'est ouais. Ça. Et du coup, vous a rapproché avec la scène de Metz. Exactement. Ouais. À fond. Pour notre plus grand plaisir, d'ailleurs. Ouais. Ça fait découvrir un peu toute la bande du coup un peu de Florian qui est le chanteur de Lod qui a un truc de vinyle s'appelle La Face Cachée, c'est vachement bien et du coup et Specific Records, ouais, Specific, ouais, ça permettait de voir tous les Hoy Boy et des blesses qu'on adore, toute la scène de l'Est par là-haut, ouais. Qu'on adore, toute la triple alliance, on va dire. Ça fait plaisir. On parle musique, mais on va parler texte aussi, du coup, puisque tu as choisi l'anglais, Cathy. Ouais. Pourquoi, déjà? Moi, l'anglais, ouais. J'ai toujours chanté en anglais. Quand j'ai commencé à jouer, donc là, c'est le moment où je me la pète. Non, où je révèle l'autre secret de Surface Tangible. Enfin, moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais de la musique en groupe. Avant, c'était à la guitare. Je faisais du punk rock. Et tout de suite, on a commencé à écrire en anglais avec ma pote de l'époque. Et voilà. Et ensuite... À partir de 2014, j'ai commencé à être seulement à la voix, mais dans du punk hardcore, metalcore. Où là, l'anglais, il est de rigueur, on va dire. Donc, j'ai pas du tout la culture punk francophone. Et c'est pour ça, en fait, je pense que ce qui m'étonne dans ta question, pourquoi faire du punk quand il y a cette image un peu peut-être poussiéreuse, c'est parce qu'une nous, on y vient par le punk hardcore, quoi. Donc, je pense que c'est ça, la New York hardcore, notamment... Enfin, le hardcore à 40 ans, quand même. Hein. Quand on y pense. Ouais, j'en ai 33, du coup. Non, mais ça a toujours été ça. Maintenant, y a de vrais enjeux, je trouve. Surtout qu'on développe un peu... ça tombe bien, parce que ça tease ce qu'on va entendre... c'est-à-dire avoir une seconde voix en français et avec même l'envie, moi j'ai l'envie assez personnelle de partager en fait cette langue qui est un peu décriée, etc. et qui est quand même assez pratique pour raconter plein de choses. Alors je te coupe aussi, le français c'est que j'arrive, en fait mon accent est trop naze. Oh mes petits cœurs. Ah, c'est un peu la raison, c'est de base, c'est l'heure des coming out. Ouais, du coup, tu vois, maintenant je prends en français et puis vas-y, c'est trop marrant d'avoir un micro. Avec Martin, on va faire un groupe de Hoy bientôt. <C'est en phase. rire> Hoy, Hoy. Et du coup, le contenu des textes, alors est-ce que. Je saurais pas trop. Alors, disons, j'ai réfléchi un petit peu parce que je savais qu'on allait me demander des choses comme ça. C'est que c'est des textes qui sont. J'aime être prévisible. C'est des textes qui sont assez ouverts aux interprétations, qui parlent de choses très précises, mais sans vraiment les nommer. Disons que si on est concerné par quelque chose, on va sentir de quoi, où est-ce que ça touche. Mais si on l'est pas aussi, c'est bien parce que ça permet aussi de pas être exclu par ce qu'on peut lire, sachant que voilà, dans il y a l'envie dans ce qu'on va sortir de qui est les textes et leur traduction. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu traduit très littéralement. Mes paroles ont un truc assez assez punk, mais enfantin. Je laisse les gens voir ça quand ça sera sorti. Si j'entends bien, il y a quelque chose de un peu subjectif et intime. Est-ce que ça veut dire poétique ? Ouais, à fond, à fond. Bah sinon, en fait, si je faisais pas du poétique, je raconterais ma life et ça serait chiant. Ma petite affaire privée. Eh bien, oui, en fait, c'est que justement, c'est poétique dans le sens. C'est... tu vas avoir des phrases qui. Tu peux sentir, surtout si on me connaît, des vécus très précis, mais c'est amené de manière assez large. Et c'est plein de références après à la littérature, à la philo, à... aussi à l'actualité. Il y a plein de petites choses comme ça. Et oui, vraiment, il y a ce truc où chaque phrase un peu pourrait donner lieu à un paragraphe entier, mais ouais, c'est pour ça que le mot poétique il marche bien, et surtout qu'après, ça permet aussi dans la voix de comment je place ma voix, en fait, de faire sonner tel ou tel mot, telle ou telle phrase de façon un peu différente. Alors après, moi, à titre personnel, ma voix change beaucoup depuis peu et du coup, c'est un vrai challenge. Et je pense que pour les personnes concernées, pourront entendre en fait ce truc-là dans ce qu'on sortira d'une voix un peu qui est en transition, hein, on peut le dire comme ça. Et ça compte aussi. Et je m'en étais rendu compte seulement quand vous m'aviez fait, vous autres, la remarque. Et toi, c'est quelque chose que tu arrives à gérer dans le présent au fur et à mesure qu'il y ait l'évolution justement de cette voix en transition ? Ouais, faut que tu te casses la voix, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool. De ouf. Est-ce que du coup, les toubibs diraient pas que ça peut contredire un petit peu le travail des hormones, par exemple ? Tu sais, moi je fais ça en pirate, donc les toubibs. non, les endocs, non merci. Il y a le mot poétique et moi, il y avait un autre mot qui me titille souvent quand je reçois des groupes ici. Est-ce que pour vous, votre musique a un sens politique aussi ? Bah, on fait du punk. Est-ce que ça rime ? En fait, les textes de Cathy sont très poétiques, en anglais, on joue fort, on est là pour s'amuser aussi. Donc, c'est pas des slogans, c'est pas de la hoï. Et pour moi, la politique, elle est aussi beaucoup dans la démarche qu'on fait, de où on va, comment on y va, pour qui, de créer des espaces, essayer de créer des espaces safe, les discours un peu de début de concert parfois. Et c'est beaucoup, enfin, c'est là que les choses vraiment concrètes se passent, quoi. Après, la poésie, c'est aussi concret, mais il faut aller gratter, peut-être. Voilà. Bah, même si vous n'avez pas de slogan placardé dans vos paroles, vous jouez quand même dans des lieux qui sont largement étiquetés politiquement aussi, d'une scène DIY notamment, qui porte des codes, des valeurs assez forts quand on rentre dans ces endroits-là. J'imagine que ça fait sens pour vous. Ah oui, bien sûr. De ouf, mais on n'a jamais été trop dans les paroles avec des grands slogans hyper, vraiment hyper clairs. Enfin, on adore en écouter, hein. Enfin, vraiment, on adore ODC et des groupes comme ça, mais après, ça je mets trop allé avec notre esthétique musicale, je trouve, de manière générale. Je pense que, par exemple, on nous avait dit, et puis on n'avait pas trop aimé que on avait sorti l'expression prêcher dans le désert à un concert qui s'était pas hyper bien passé, et l'idée c'est pas vraiment ça, justement, je pense que c'est de créer des espaces vraiment de jouer pour des gens et de soutenir ces gens-là, plus que, enfin, pour convaincre des gens, je sais pas, il faut aller en manif, peut-être. Sur des piquets de grève. Ouais, je le vois comme ça en tout cas. Après, il y a, je pense, des choses assez. Enfin, tu vois, on a du merch, des goodies qui sont à prix libre, des prix conseillés aussi. C'est pour moi, ça compte. Ce qui va sortir en ligne, on le trouvera à prix libre. Pareil, on fera déjà faire des petits prix. On est quand même dans une démarche où on vient jouer si on est défrayé. Et après, s'il y a du plus, c'est avec plaisir, mais voilà. Et on aimerait, on n'a pas trop eu l'occasion, mais jouer pour des concerts de soutien, ça c'est sûr. Voilà, appel à... Et puis, y a aussi ce truc là où on est pas trop, on peut pas trop nous estampiller genre groupe de gauche ou groupe anard ou même groupe queer, et justement on n'est pas de ça. Comme je disais l'autre fois, voilà, genre more punks and less people on stage, voilà, ce truc là un peu quand on est d'un coup dans le concert, il se passe autre chose. Et puis après, après voilà, je pense que sur de manière assez bête, enfin assez très concrète, oui, on est en manif, et de temps à autre sur le Instagram, on va partager des infos de manif, tu vois. Avant. Ou alors on joue sur des piquets de grève aussi. Non. Ouais, aussi. Ah, on a joué une occupation. Ah oui, voilà, jouer des piquets de grève, oui, ça, ça m'en kifferait. Let's go. Tout à l'heure, je disais que vous aviez été assez vite, et c'est vrai qu'en regardant votre Bandcamp, vous avez mis à dispo une démo en avril, un live au mois de juin. Là, vous venez de boucler un 8 titres. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce nouvel enregistrement et de ce qui est joué pour vous ? Eh bien, tout à fait. Nous avons... Bon, en fait, ce qu'on a sorti sur le Bandcamp, il fallait le sortir pour... C'était plus pour nous, pour se rappeler des morceaux, en fait, je crois, de base. Pour pas qu'on les oublie, en fait. Il y a des gens qui ont des enregistreurs aussi. Ouais. Mais c'est bien, l'intimité est publique. C'est ouf. Puis après, vas-y, le live à Metz, c'était un super concert. Et du coup, là, on a fait un 8 titres qu'on a enregistré au mois de juillet, je crois, de mémoire. Ouais. Tu veux en parler, Johan ? On a une quinzaine de morceaux, je crois, quelque chose comme ça. On en a posé quelques-uns sur la démo et sur le live, et avec tout ce qu'on avait, qui était quand même des morceaux assez travaillés, tout ça. Enfin, on avait envie de le produire correctement et de sortir quelque chose de bien produit, quoi. Et puis on a eu le plan de Yves, et enfin, ouais. Si tu veux dire quelque chose, Gilles, mais... C'était de Yves à Studio Mag. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et son label, j'ai oublié son nom. Apert Record, peut-être. Mais c'était un super moment partagé avec nous quatre et Yves. Et puis on a fait tout le 8 titres en 2 jours, je crois, de mémoire. C'est ça. On en a un peu galéré, notamment sur un morceau. C'est le son A4. C'est la foule. C'est la foule de la du 8 titres. Mais après, non, tout s'est bien passé. On est franchement ravis de pouvoir le sortir, quoi. Enfin, c'est une vraie fierté pour nous, en tout cas. Il y avait vraiment des conditions incroyables, je trouve, pour un premier enregistrement à Studio Mag. Il y avait du matos de fou. Ouais. Il nous a prêté des amplis incroyables. On était un peu émerveillé quand même. Il jouait sur un Ampeg. C'est génial. Une première émotion en PEG. Ah ouais, vraiment. Yes. Pour finir l'interview, je voulais jouer alors ce fameux morceau B3, du coup. C'est sur le Regarde. Oui, qui s'appelle Regarde ou Regarde. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais. Ça... Tout lit là. Ça parle de dysphorie, mais dans un sens individuel comme collectif. Il y a un bouquin de Preciado qui parle de ça, qui s'appelle Dysphoria Mundi, que j'ai pas lu, mais je suis sûr qu'on est d'accord. Ça sonne bien. Voilà, de toute manière, je suis sûr qu'on est d'accord avec le poteau. Avec Béatrice. Avec Paul. Avec Paul Béatrice. Là, je suis vieux. Je manque d'update. Ah oui, en effet. Du coup, qu'est-ce que dire de ce morceau ? C'est aussi un morceau en référence à une nouvelle assez connue qui s'appelle La machine s'arrête, que je ne trouvais pas et que j'avais envie de lire et que j'ai lu et qui est super, qui est vraiment incroyable. Je conseille cette nouvelle. Qui parle d'un futur où on est coupé de tout. Et ça parle aussi de... Ça fait référence à une chanson qui s'appelle Stranger, d'un groupe que j'adore, que les autres détestent, qui s'appelle Counterparts. Qui parle d'être une étrangère dans les yeux de celles qu'on aime. Et la dysmorphie aussi fait ça, mais... voilà, mais je suis un peu plus au fait de la dyspho et de cette problématique-là. Et du coup, il y avait ce morceau qui est aussi quand on le joue, souvent je dis, c'est le morceau pour danser. Puisque avant, en fait, on a fait que pogoter, donc là, c'est un peu pour se détendre. C'est la valse. Ouais, c'est la valse. Ouais, exactement. Il est hyper agréable à jouer, ce morceau. C'est ça. Fait par Johan, je crois, et puis c'est toujours un plaisir. Ça a été un morceau qui a été justement sur lequel des gens ont valsé ou ont fait la chenille lorsque nous avons fait notre kermesse. C'est la dernière annonce pour Surface Tangible. C'est nous faisons des kermesses, c'est-à-dire notre concert, mais en interactif. Avec des slash débile. Voilà, et genre bon, on va jouer les morceaux plus vite, moins rapide, plus vite, moins vite, sans effet, etc. Les yeux bandés. Et du coup, sur regarde, il y avait une chenille et des copains qui valsaient. On a un groupe polyvalent. Un groupe d'animation du Club Med, donc. Ouais. Ouais, c'est ça. On fait les piquets de grève, il n'y a pas de problème, les occupations. Invitez-les pour les fêtes de famille, enfin bref, avez compris, Surface Tangible veut jouer partout. C'est ça, et puis on peut, on a des morceaux assez différents. Et du coup, celui-ci, c'est vraiment une petite balade, et qui n'est pas balade, ça c'est un autre morceau. et avec quand même à la fin, en mode, bon, ça fait chier quand même. Voilà, disons que face à la dysphorie, il faut beaucoup d'amour. C'est d'amour pour soi et pour celles qui nous entourent. Et c'est un long travail, moi-même, depuis peu. Ça me travaille. Donc, c'est un de mes morceaux préférés. Et un des plus mélancoliques. Bah on écoute ça tout de suite. Merci à vous, Surface Tangible. Ouais, merci à toi. Merci pour l'invite. On écoute tout de suite ce morceau histoire de voir qu'est-ce qu'une balade pour Surface Tangible à Saint-Étienne. Radio 89.5 FM. Et on va continuer de parler un petit peu de punk hardcore pour présenter un petit événement local, puisque c'est le 400e concert organisé par le collectif La France Pue qui se tiendra ce vendredi 6 octobre. La France Pue qui officie depuis plus de 20 ans sur l'antenne de Dio dans l'émission du même nom, le mardi à 21h, une semaine sur deux. Et là, il y aura 5 groupes pour le prix d'un. Quoique l'inflation a fait monter les prix de La France Pue, et oui, il faut bien payer l'essence des groupes. 5 groupes donc, et une affiche, moi je trouve plutôt variée, puisqu'il y aura du grind punk venu de Lyon avec Ran, il y aura le hip-hop lillois de Sinoc, les polonais de Baraka Face Junta, un peu la tête d'affiche internationale de cette soirée, et deux groupes que je vais vous présenter juste après, en l'occurrence de Toulouse et Aveyron, venus du sud-ouest, Radical Kitten et Le Cœur des Garçons. Tout à l'heure, vous avez mentionné un petit peu les concerts à la gueule noire qui ont participé un petit peu à votre culture punk hardcore. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cet aspect-là ? Bah carrément, La France Pue, c'est on va dire l'orga qui organise le plus, je pense, à la gueule noire, avec toujours des affiches, enfin avec des têtes d'affiches hyper variées et surtout bah trop chouette quoi. Enfin là, ça tombe Baraka Fête Junta qui est en plus un super groupe. Il y a des super concerts hardcore là-bas. Enfin c'est vraiment, ils sont quand même connus pour ça en France. Du coup, enfin nous on a pu jouer pour La France Pue et bah c'est trop cool quoi, tu vois. Ouais, nous notre rapport avec on voyait des affiches dans la rue avec des groupes qu'on écoute beaucoup et on a la chance d'avoir La France Pue pour les faire jouer à Saint-Étienne, et du coup c'est pour ça, c'est comme ça qu'on y est allé au début et comme ça qu'on y va en fait. Voilà. Faut savoir que Yo avait un joli tote bag, a toujours un joli tote bag. Et un t-shirt maintenant. Et ouais, un t-shirt même. On aurait pu le ramener. Avant même d'avoir joué pour. C'est vrai. Mais après c'est vraiment, ça fait. Enfin, j'ai plus la date en tête, mais c'est une association pour que ce soit leur 400e soirée. C'est même plus une association, c'est une institution. C'est une institution locale et mondiale. Et pour illustrer un petit peu ça, donc je vais vous faire écouter deux gros coups de cœur. Un dont l'enregistrement commence à dater un petit peu, et un autre tout récent justement. Je vais commencer par Radical Kitten qui vient de Toulouse, et où dans descriptif justement sur leur page Bandcamp, on parle de riot post-punk, queer et féministe, avec un tomboy, un transboy et un cisboy, puisque il y a eu du changement de line-up et que Marion, qui était à la batterie jusqu'à 2022, s'est fait remplacer par Lambert, qu'on a déjà pu voir dans pas mal de groupes divers et variés, notamment Derin et Golem ou Future Mort. Là, on va écouter donc un extrait enregistré fin 2020 de leur album Silence is Violence tout de suite, et on enchaînera avec Le Cœur des Garçons que je vous présenterai juste après ça. Radical Kitten tout de suite sur le 895 de Dio. Don't give a shit. Don't give a fuck. Don't give a shit. Don't give a fuck. Don't give a fuck. mon travail. Un corps perdu dans la bataille. Un corps perdu dans la bataille. Je me suis jeté. Je me suis jeté. Je me suis jeté. Je me suis jeté. Un corps perdu dans la bataille. Un corps perdu dans la bataille. Tenir la cadence. Tenir la cadence. Tenir la cadence. Tenir la cadence. Tenir la cadence. Tenir la cadence. Tenir la cadence. Tenir la cadence. Je me suis jeté. Je me suis jeté. Je me suis jeté. Je me suis jeté. Encore perdu dans la bataille. Encore perdu dans la bataille. Encore abîmé. La brûlure dans le travail. Mon corps abusé. À servir un capital. Encore perdu dans la bataille. Encore perdu dans la bataille. Le cœur des garçons sur le 8-9-5 de Radio Dio. On est un peu fan de cette nouvelle démo qui vient d'être publiée un petit peu sur Internet. On est fan aussi parce que du coup, il y a dedans une personne qui, un peu à l'image de la France Pure, a organisé des dizaines, des dizaines et des dizaines de concerts dans le sud-ouest entre Toulouse et l'Aveyron. Et ça fait plaisir aussi que ces gens, un peu de l'ombre, viennent un petit peu sous les spotlights des tropiques de temps en temps. J'ai bien aimé la présentation. Je lis rarement les présentations des groupes, mais là je me suis chauffé pour m'exercer à cet exercice. Le Cœur des Garçons est un groupe de 4 grands enfants romantiques dont la moyenne d'âge s'établit autour de 42 ans. Ils aiment se gaver de sucreries pour atteindre une sorte de transhyperglycémique nécessaire à la création de leur tube, le balisto jaune étant leur favorite, qu'ils accompagnent parfois en été de quelques goulets de force 4. Alexandra aime les levers et couchers de soleil, les blaireaux et les animaux dits nuisibles. Elle n'aime pas les bananes. Carole aime les groupes de Lille et la comfort food. Elle n'aime pas avoir faim ni se faire pastéquer. Sébastien aime la soupe au vermicelle et les tugs. Il n'aime pas le bruit des valises à roulettes. Guillaume aime Félix le chat et l'odeur du vernis à ongles. Il n'aime pas les trottinettes électriques et Gilbert Collard. Si ce descriptif vous parle, eh bien je vous rappelle que vous pourrez voir et entendre Le Cœur des Garçons en compagnie de Sinoc, Ran, Radical Kitten et Baraka Face Junta vendredi 6 octobre à la Gueule Noire, prix conseillé entre 5 et 8 euros. Ça commence à 20h30 et il y a 5 groupes, on m'a dit ça commence à 20h30 pile, Inch'Allah chiche. Espace autogéré La Gueule Noire, 16 rue du Mont du côté du quartier Bellevue à Saint-Étienne. Musique, info, idées, c'est Radio Dio. Idées, c'est Radio Dio. Radio Dio. Je vous ai présenté en ouverture d'émission un des 2 coups de cœur de la semaine de la Ferrarock. Eh bien, je vais tout de suite vous présenter le second que vous retrouverez, je le rappelle, dans l'émission Dig Dig Diggers, créée collectivement entre les 30 radios de la Ferrarock. Il s'agit cette fois de Samba de la Muerte qui sort un nouvel album, Ornament. Alors, j'en ai parlé avec un collègue. Eh bien, on trouve que Samba de la Muerte fait de très bons morceaux, mais il fait toujours pas vraiment des bons disques à mes oreilles, hein, je trouve. trouve un petit peu dispersé peut-être, il a envie d'aller partout. Je pense que l'intention est bonne et que ça va finir par marcher. Je ne suis pas encore totalement convaincu, mais par contre, à chaque fois, il y a deux ou trois morceaux que je kiffe vraiment. Et je vous propose notamment d'écouter le cinquième de ce disque qui s'intitule « Ornamente » tout simplement. A sun is there, a flare, a Samba de la Muerte à l'instant sur le 8-9-5 de Radio Dio. Je vais maintenant vous proposer, dans cette dernière ligne droite d'émission, un reportage qui nous a été proposé, envoyé par une radio collègue de la Ferraroc, justement, RPG, Radio Pays de Guéret, dans la Creuse. La Ferraroc a notamment signé il y a peu une pétition pour notamment s'offusquer de problèmes diplomatiques entre la France et certains pays d'Afrique qui ont vécu des chamboulement politique, notamment dans cet été. Vous en avez bien sûr entendu parler. On avait déjà à cette rentrée, eh bien, rencontré des étudiants notamment d'associations africaines qui nous avaient parlé des difficultés pour obtenir les visas de stand-by diplomatique qui du coup mettent des vies en suspens, des projections de gens qui devaient venir en France et n'ont plus aucune nouvelle de l'ambassade puisque les relations diplomatiques sont bien souvent gelées, je pense au Mali, au Burkina et au Niger bien entendu, et il se trouve que RPG dans la Creuse mène un partenariat avec une radio burkinabé depuis de nombreuses années, projet qui du coup de la même manière est une ficelle qu'on a coupée d'un coup de ciseau arbitraire il y a peu de temps et envoyé ce reportage tout récemment justement pour faire le point un petit peu sur ces difficultés. Je vous propose d'écouter donc ce montage d'une dizaine de minutes proposé par RPG. RPG. Reportage. Reportage. RPG reportage. Depuis le 14 septembre 2023, une directive du ministère des Affaires étrangères interdit aux structures culturelles françaises bénéficiant de financements publics toute collaboration avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Pour rappel, Radio Pays de Guéret est partenaire de Radio Vénégré, une radio du Burkina Faso depuis 2017. Partenariat qui avait été lauréat du prix de la Fondation Maïf pour l'éducation en 2018. Aujourd'hui, toute forme de collaboration, pourtant fructueuse, humaniste et désintéressée, nous est interdite. De même, les visas pour se rendre en France ne sont plus délivrés pour les ressortissants de ces trois pays. Nous avons donc interrogé Jean-Baptiste Sawadogo, responsable de Radio Vénégré et par ailleurs très investi dans la coopération internationale, ainsi que Jean-Bernard Damien, président du comité de jumelage Guéret-Zitenga, afin de savoir comment ces mesures avaient affecté leur travail au quotidien. Peut-être pour comprendre les motivations... Jean-Baptiste Sawadogo, directeur de Radio Vénégré. Cette mesure prise par les autorités françaises, il faut peut-être remonter au mois de septembre 2022, date à laquelle le capitaine Ibrahim Traoré, actuel président de la transition du Burkina Faso, accédait au pouvoir par un coup de temps. À son accession au pouvoir, on a observé et on continue de l'observer un déclin des relations entre les autorités françaises et Burkinabé. Un élément aussi important qui peut justifier la prise de ces mesures, c'est l'avènement du coup d'État survenu au Niger, où les deux pays, à savoir le Burkina et le Mali, les autorités se sont engagées aux côtés de ces militaires qui ont pris le pouvoir en mettant en garde toute intervention extérieure visant à rétablir l'ordre constitutionnel par la force. Donc je pense que ce sont tous ces facteurs qui ont motivé les autorités françaises à prendre un certain nombre de mesures. Pas seulement la suspension des visas, mais il y a également la suspension de l'aide publique au développement. Il y a aussi au niveau du Burkina la suspension des procédures d'adoption. Nous, notre vocation, c'est pas d'envoyer lors d'une catastrophe, je sais pas, enfin de quelque chose d'humanitaire. Jean-Bernard Damien, président du comité de jumelage Guéret. Donc on sait depuis maintenant un certain temps, vu les problèmes de sécurité au Burkina Faso, qu'il nous est difficile de nous déplacer là-bas, mais on avait bien l'intention de pouvoir faire venir une représentation de nos partenaires concrètement ici à Guéret, de façon à avoir des relations beaucoup plus avancées et beaucoup plus directes, quoi, voilà. Et ça, ben, on parle effectivement des visas pour les artistes, mais aussi aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus du tout possibilité de se déplacer dans un sens ou dans un autre vers le Burkina ou pour venir en France. Et ça, c'est vraiment dommageable. Les conséquences sont nombreuses. Tout d'abord, elle entrave la mobilité des Burkinabés, ce qui va certainement compliquer les échanges personnels et même économique entre ces deux nations. Il faut dire aussi que la suspension de la coopération culturelle va aussi entraver les échanges sur le plan culturel, artistique et éducatif. De même, on sait qu'il y a des opportunités d'éducation et de formation mais en raison de ces mesures, tout cela est mis en cause. Et aujourd'hui, il y a même certains étudiants qui sont obligés de revenir parce que la France met fin à son aide en termes de bourse à ses étudiants. Il faut souligner que ce ne sont pas seulement les populations burkinabées qui sont impactées. Il y a aussi les citoyens français, européens, qui sont touchés par ces mesures. En témoigne une déclaration d'un collectif d'une centaine de citoyens européens qui se disent être victimes de l'escalade des hostilités diplomatiques. Donc, il est clair que ces mesures touchent non seulement les Burkinabés, mais aussi d'autres citoyens européens. On avait un projet qui est en train de se mettre en place. Comme je disais, on a toujours travaillé, notamment en partenariat avec le conseil régional, mais aussi avec d'autres partenaires. Ça pouvait être l'agence de l'eau, ça pouvait être des collectivités. Mais là, donc, on avait un projet très concret là sur Titanga, qui était d'accompagner des petite structure coopérative de femmes sur la formation, sur l'achat de petits matériels, sur la mutualisation, sur du microcrédit. Il y avait un travail qui a été fait par notre partenaire, le comité de jumelage de Zitenga, pour mobiliser ces populations. Et là, donc, suite à la décision gouvernementale française de couper toute aide vis-à-vis du Burkina Faso, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a décidé aussi d'emboîter le pas et nous a demandé d'arrêter complètement toutes ces coopérations. Personnellement, je considère ces mesures comme inopportunes, qui pénalisent injustement les populations innocentes. On peut se poser la question, qu'ont-ils fait, ces différents acteurs, ces étudiants, ces enfants, ces citoyens de ces pays qui se retrouvent aujourd'hui pris en otage et qui ne peuvent plus effectivement organiser certaines actions pour renforcer les liens entre ces deux peuples. Est-ce que réellement ces politiciens, ces autorités se soucient réellement des peuples? Là est la question. Donc je pense qu'il est essentiel de rappeler que la culture n'a pas de frontières et c'est le mélange culturel qui certainement renforce les liens entre les peuples. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que ce sont vraiment des coopérations tout à fait directes, accompagnées techniquement sur place par des techniciens burkinabés. Donc c'est vraiment quelque chose de très concret, de très porteur. Alors évidemment, c'est des petites échelles, mais c'est des petites échelles pour ces petites gens qui sont dans la brousse, qui sont extrêmement importantes. Et là, je pense qu'il y a... Enfin, j'ai eu mon homologue, président de la commission de Tanga, c'est vrai qu'il y a une grosse déception et sans doute des incompréhensions. Parce qu'il faut bien comprendre que cette insécurité au Burkina Faso, c'est vrai, elle est réelle, mais il faut bien voir aussi que le recrutement de ces groupes terroristes, qui peuvent s'appeler djihadistes, mais quelquefois les gens deviennent djihadistes parce que, justement, il y a des problèmes matériels, et que du coup, déjà que le tourisme qui pouvait exister au Burkina est aujourd'hui complètement arrêté, et moi je l'ai vécu aussi, donc le tourisme était beaucoup mené par des jeunes, des guides, des choses comme ça. Donc tout ça aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont plus de travail. Si en plus on amplifie ces problématiques économiques, ça fait le terreau de terroristes qui viennent chercher les jeunes avec un petit subside et puis voilà. Ces décisions sont contre-productives, accentuent même le ressentiment envers la politique française en Afrique. Beaucoup de citoyens africains ont le sentiment que ces mesures sont un chantage de la part de la France pour garder une position paternaliste sur ces anciennes colonies. Les relations entre la France et le Burkina, notamment les autorités, ne fait que s'empirer. Donc, à mon avis, on va vers une situation où on va se retrouver dans un cas de rupture totale. Mais l'espoir est que peut-être avec le temps aussi, on aura une autre forme de coopération plus consensuelle pour le bénéfice de tous. Là, franchement, il y a sans doute une nuance à faire entre, bon, peut-être des relations diplomatiques officielles d'État et ce qui peut se passer de personne à personne, de population à population. Et moi, je dirais, du coup, même avec un regard qui est un petit peu schizophrène, puisque en faisant ça, on entretient effectivement des réseaux terroristes sur place qui peut-être un jour pourraient éclater aussi chez nous, quoi. Aujourd'hui, la France est vue comme un modèle de démocratie dans le monde. Et je pense que c'est le cas effectivement de le démontrer en levant ces mesures qui affectent des innocents qui n'ont pas demandé à être vraiment dans cette situation, dans cette crise diplomatique. Je pense qu'il faut travailler ensemble pour préserver notre amitié et renforcer nos relations. Vous avez donc pu entendre en alternance les points de vue de Jean-Baptiste Sawadogo, directeur de Radio Vénégré, et Jean-Bernard Damien, président du comité de jumelage Guérez-Itenga. Nous espérons comme eux un rétablissement rapide des relations diplomatiques entre nos pays, afin de pouvoir vous faire profiter au maximum de nos partenariats entre Radio Pays de Guéret et Radio Vénégré. Et si cette histoire vous intéresse, eh bien, je vous renvoie vers ce communiqué signé par la Ferraroc notamment et de nombreux acteurs et actrices des réseaux musique variés. C'est un communiqué qui a été lancé par Zone Franche, qui est le réseau national des musiques du monde et qui appelle effectivement à normaliser et pouvoir rétablir les vies des personnes des pays dont nous venons de parler. On va finir avec les cadeaux, trois cadeaux en cette fin d'émission dans la hotte de la mère Noël. Il y aura un CD de Samba de la Muerte que nous avons écouté tout à l'heure, que vous pouvez empocher si vous appelez au 04 77 438 895 438 895 ou par mail contact@radiodio.org. Laissez bien vos coordonnées si nous ne nous parlons pas en direct. Et il y a deux places, deux concerts au fil cette fin de semaine. Le jeudi 5 octobre, il y aura Kokomo en compagnie de Bandi pour une soirée rock'n'roll. Et le samedi 7 octobre, ce sera au tour de Monica, qui a été partenariat Ferrarock et dont le camarade Lionel vous ravira d'une interview qu'il a glanée au Forestival. Ce sera demain dans Démo des sons sensibles à midi 19h et à 8h en rediff. Monica sera en compagnie de Cold Dust et de Fakir, que nous allons écouter tout de suite pour finir cette émission. Comme dirait Cathy, c'est de la musique électronique sans beat ni snare que j'ai choisi pour finir cette émission. En fait, les surfaces tangibles que je pensais partir sont restées. Donc, une occasion pour saluer les auditeurs et auditrices de Dio. Merci encore à vous d'être venus dans ce programme. Ah bah merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup, c'est cool. On a juste omis de dire que du coup notre cassette Rien d'autre sortira chez Neutral Records, qu'on salue Lucas, qui est basé sur Metz, avec la scène que vous autres vous aimez bien. Moi ça ne m'intéresse pas. Trop de mecs. Merci beaucoup à Radio Dio, et puis toujours plaisir de passer ici. Avec plaisir, et on ne serait que trop conseillé sur Vase Tangible en live, sur Vase Tangible en live, ouais. Du coup, ça marche. Ouais, ça marche aussi. Surveillez donc sur Insta et dans le reste du monde, hein, bien entendu. Mais on a des dates, on sera le 9 novembre à Grenoble pour l'anniversaire d'un truc. J'en dis pas plus, mais le 9 novembre à Grenoble, le 18 novembre du coup à la maison, donc j'en dis pas plus, mais les dates sont pas encore annoncées, mais en tout cas les dates sont validées, le 18 novembre à Saint-Étienne et le 2 décembre à Lyon avec des copains, voilà pour le moment. Check up on the web donc. Merci en tout cas. Et puis c'est la fin de ce programme. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Ce move radio.